89.1. CKRL Québec. Bienvenue à Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Plein de bonne musique cette semaine. Ben, comme à l'habitude, j'ai parcouru les internets pour vous. Je vous ai trouvé plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Donc, c'est assez simple. Vous vous rendez, comme d'habitude, sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Ça va vous donner donc l'accès vers toute cette bonne musique. Vous pouvez télécharger ça de façon gratuite, gratuite et légale, il faut le préciser. On va débuter cette semaine avec un petit peu de techno minimal. On va entendre Dadiv qui publie sur Inokuo. C'est tiré de la compilation 60. Donc, une compilation qui célèbre la 60e sortie sur l'étiquette Inokuo. Quand même 60 albums en téléchargement gratuit. Donc, ça vaut vraiment la peine. Tout de suite après Dadiv, donc sa pièce s'intitule Usine à Tartre. Ensuite de ça, ça va être Diego Palacios. C'est la pièce s'intitule Arythmique. Donc, écoutez ça, c'est super bon. Thank you. chatte, les bruits de fouette. C'était Arrhythmic, une pièce par le Mexicain Diego Palacios. Avant ça, c'était un artiste de la ville de Lausanne, en Suisse. C'est Dadiv avec son morceau Usine à Tartre. Donc, deux pièces qui étaient publiées sur la compilation 60. Donc, une compilation pour le netlabel espagnol Inocuo. C'est une compilation qui célèbre donc 60 albums de publiés sur le netlabel, tous les albums en téléchargement gratuit. Pour la suite de Web Music, ben, on va se déplacer du côté de l'Écosse, plus précisément de la ville de Glasgow. L'artiste s'appelle Sondex Phonetic. Je vous fais entendre la pièce Allocene Diving. Vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est publié sur Militant Science. Donc, comme je vous disais, une étiquette anglaise. Ensuite de ça, sur l'étiquette allemande Kreshloff Organization, c'est Noston, un artiste qui est né à Téhéran, en Iran, et qui demeure en Angleterre. Je vous fais entendre sa pièce 150, tout de suite après Sondex Phonetics. We'll be right back. Toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique. C'était la pièce 150 par l'artiste iranien Nostan. C'était publié sur Kreshlov Organizations. Tout de suite avant ça, ben, c'était Sondex Phonetics, un artiste écossais. Donc, c'était la pièce Allocene Diving, publiée sur Militant Science. Pour la suite de ce beau programme, on va entendre un artiste irlandais qui nous fait un peu de hip-hop instrumental. L'artiste s'appelle My Name is John. Je vais vous faire entendre une pièce un peu aux touches indiennes. La pièce s'appelle Papadoms Do Delivery. C'est publié ça sur Alkalinear Recordings. Ensuite de ça, sur Audiocast Productions, je vous fais entendre une pièce de Qualudes. La pièce s'appelle Synapsie. On écoute tout de suite My Name is John avec Papadoms Do Delivery. Understanding without practice, this is like counting the property of others without owning anything ourselves. In order to reach a given destination, we have to know where we're starting from, where we're going, and what is the route we have to travel along to reach our goal. Not only a supplement to practice, but also as a part of practice. Wisdom is the key to realization. It is the truth which subsists by itself, whether it is understood or not, whether it is taught or not. Son grand frère de sang, ou bien l'arrière-grand-père de mon père était le frère de mon arrière-grand-oncle. Le Radioton, l'événement de l'année de CKRL arrive à grands pas avec tout ce que le printemps apporte de beau. Ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie, la boîte à pain et le bal du lézard. C'est le père de mon père qui était mon grand-oncle et le grand-père de mon père qui était mon arrière-arrière-grand-père. Mais ma mère, dans tout ça, à suivre. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents. Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. À ne pas manquer en mars à l'Ampli Québec. Préparation au studio avec Stéphane Rancourt. Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau. Atelier de rédaction de demandes de bourse avec Guillaume Sirois et Geneviève Savoie. Jeu à la caméra avec Jean-Pierre Bergeron. Saisir l'univers d'une chanson avec Serge Lacasse. Le week-end d'Éric Goulet. La relation artiste-gérant avec Hubert Mention. Et enfin, jeu d'écriture avec Reggie Brassard. AmpliDeQuébec.qc.ca 88-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Pour joindre votre animateur en ondes, faites le studio à commercial ckrl.qc.ca ou composez le 640-1586 640-1586. CKRL. Québec. De retour à Web Musique. Donc, tout juste avant la pause, on entendait un duo italien du nom de Qualoud. C'était la pièce Synapsi. C'était publié sur Audiocast Productions, donc un netlabel qui nous vient de l'Italie, un netlabel assez prolifique. Beaucoup d'albums en téléchargement gratuit. Pour la suite de l'émission, on va écouter un collectif du nom de Funky Monkey. Ça vient de l'Azerbaïdjan. Je vous fais entendre la pièce Sitar Beat. C'est publié sur Quantum Beat. Ensuite de ça, sur l'excellent netlabel Dusted Wax Kingdom. Si vous êtes des habitués de l'émission, je vous casse les oreilles avec ça. J'ai toujours beaucoup de pièces parues sur le netlabel à l'émission. On va entendre Mr. 93, c'est la pièce Da Definition. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Funky Monkey. Thank you. de la ville de Sofia en Bulgarie. C'était Mista 93 avec sa pièce The Definition. C'était publié sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, de l'Azerbaïdjan, c'était Funky Monkey avec une pièce assez spéciale, un peu de sitar, donc repris pour faire un beat. C'était la pièce Sitar Beat, publiée sur Quantum Beat. Pour ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous, bien, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous allez au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc avoir accès à toute cette bonne musique. Pour la suite, on va entendre un peu de Blue Pulp. C'est la pièce Vintage Dream Recorder. C'est publié sur Various and Uneasy. Je crois que c'est un sous-label de pertinence. Il faudrait que je vérifie. En tout cas, la pièce est vraiment excellente. Ensuite de ça, sur Bloxonic, si vous ne connaissez pas déjà Bloxonic, c'est un... on pourrait dire que c'est un net label, mais c'est surtout un agrégateur de musique donc dans le domaine du net audio. C'est Michael Grégoire qui fait une grosse job avec tout ça. Il fait toujours des belles pochettes, belles présentations. Il rend ça vraiment facile pour le téléchargement. Donc, allez vous faire un tour sur Bloxonic, ça vaut vraiment la peine. Plein d'albums dans à peu près tous les styles. Il y a une petite préférence pour le hip-hop. Donc, c'est ça, allez faire un tour sur Bloxonic, ça vaut la peine. On va entendre une pièce de Somgui, c'est la pièce Daddy's Boy Glitch. Vous allez voir, ça glitch, pas pire. On écoute Blue Pulp à Web Music. Thank you. L'Angleterre, de la ville de Londres, c'était Somgui avec la pièce Daddy's Boy Glitch. C'était publié sur Block Sonic, comme je vous disais tantôt, un excellent netlabel, agrégateur de musique. Donc, c'est ça, vraiment excellent. C'était donc, excusez-moi, je suis un petit peu mêlé dans mes notes. Oui, c'est ça, tout de suite avant, c'était Bleu Pulp, un artiste de la ville de Lévis. C'était sa pièce Vintage Dream Recorder. C'était publié sur Various and Uneasy. Pour la suite du programme, on va entendre une bande de bas canadiens du nom de À la Claire Ensemble. Je vous fais entendre la pièce Piu Piu Afro Bas Canadien. We'll be right back. c'était la bande de Mince à la claire ensemble avec la pièce Piu Piu Afro Bas Canadien. Ça va déjà être tout pour Web Music. C'est Guy Tremblay avec son émission Beau temps, mauvais temps qui va suivre tout de suite après. On va se laisser sur une dernière pièce de Manuel Numez. C'est publié sur Dorog Records. La pièce s'intitule Elephant in Vitro. On se laisse là-dessus. De membres au coût de 25$ ou faites un don pré-radioton de 10$ ou plus avant le 30 mars et courez la chance de gagner un des deux prix suivants. 150$ à la boutique Le Pédalier. 150$ chez Sillon le Disquaire. Adhérez en téléphonant au 418-640-2575 ou en ligne à sillon.com. Le radioton de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par la Barberie. Barberie. Lorsque nous sommes la barbe. Lorsque nous sommes. Lorsque nous sommes. Lorsque nous sommes la barbe. Lorsque nous sommes différents. Les mardis 9h, Geneviève Desgagnés nous parle sport. Pas de résultats, pas de pronostics, que le plaisir et la passion de faire de l'activité en solo ou entre amis à Sport pour tous. Un magazine pour maximiser sa forme physique à CKRL.